Chapitre 14e. Ré orateur, discours au roi. Je partis aussitôt après avec les députés de tous les corps ecclésiastiques de Paris et près de 200 gentilshommes qui m'accompagnaient, entre lesquels j'avais avec moi 50 gardes de monsieur. J'eus avis à Senlis que l'on avait résolu à la cour de n'y pas loger mon cortège, et Bautru même, qui s'était mis de mon cortège, pour pouvoir sortir de Paris dont les portes étaient gardées, me dit qu'il me conseillait de n'y pas entrer avec tant de gens. Je lui répondis que je ne croyais pas aussi qu'il m'eût conseillé de marcher seul avec des chanoines, des curés et des religieux, dans un temps où il y avait, à la campagne, un nombre infini de coureurs de tous les partis. Il en convint, et il prit les devants, pour expliquer à la reine et cette escorte et ce cortège qu'on lui avait très ridiculement grossi. Tout ce qu'il put obtenir fut que l'on me donnerait logement pour 80 chevaux. Vous remarquerez, s'il vous plaît, que j'en avais 112 seulement pour les carrosses. Cette faiblesse ne me fit que pitié. Ce qui me donna de l'ombrage fut que je ne trouvais point sur mon chemin l'escouade des gardes du corps qui avaient accoutumé, en ce temps-là, d'aller au-devant des cardinaux, la première fois qu'ils paraissaient à la cour. Ma défiance se fut changée en appréhension, si j'eusse su ce que je n'appris qu'à mon retour à Paris, qui est que la cause pour laquelle l'on ne m'avait pas fait cet honneur était que l'on n'en était pas encore bien résolu de ce que l'on ferait de ma personne, les uns soutenant qu'il me fallait arrêter, les autres qu'il était nécessaire de me tuer, et quelques-uns disant qu'il y avait trop d'inconvénients à violer en cette occasion la foi publique. Monsieur le prince Thomas fit dire à mon père, par le père Senault de l'oratoire, le propre jour que je retournais à Paris, qu'il avait été de ce dernier avis, qu'il ne nommait personne, mais qu'il y avait au monde des gens bien scélérats. Madame la Palatine ne me témoigna pas que l'on eût été jusque-là, mais elle me dit, dès le lendemain que je fus arrivé, qu'elle m'aimait mieux à Paris qu'à Compiègne. La reine me reçut pourtant fort bien. Elle se fâcha devant moi contre l'exempt des gardes, qui ne m'avait pas rencontré, et qui s'était égaré, disait-elle, dans la forêt. Le roi me donna le bonnet le matin du lendemain, et audience l'après-dîner. Je lui parlai ainsi. « Sire, tous les sujets de votre majesté lui peuvent représenter leurs besoins, mais il n'y a que l'Église qui ait le droit de vous parler de vos devoirs. Nous le devons, sire, par toutes les obligations que notre caractère nous impose, mais nous le devons particulièrement quand il s'agit de la conservation des peuples, parce que la même puissance qui nous a établis médiateurs entre Dieu et les hommes fait que nous sommes naturellement leurs intercesseurs envers les rois qui sont les images vivantes de la divinité sur la terre. Nous vous présentons donc à votre majesté en qualité de ministre de la parole. Et comme les dispensateurs légitimes des oracles éternels, nous vous annonçons l'évangile de la paix en vous remerciant des dispositions que vous y avez déjà données et en vous suppliant très humblement d'accomplir cet ouvrage si glorieux à votre majesté et si nécessaire au repos de vos peuples. Et nous vous le demandons avec autorité parce que nous vous parlons au nom de celui de qui les ordres vous doivent être aussi sacrés qu'ils le sont au moindre de vos sujets. Mais, sire, cette dignité que nous sommes obligés de conserver et dans nos actions et dans nos paroles ne diminue en rien le respect que nous devons à votre personne sacrée. Elle l'augmente au contraire et nous confirme de plus en plus dans votre service parce que nous ne saurions élever notre esprit en pensant que nous avons l'honneur d'être les premiers sujets de votre majesté, que nous ne confessions en même temps que cette qualité nous oblige encore plus particulièrement que le reste des hommes à vous donner toutes les marques imaginables de notre obéissance et de notre fidélité. Nous le faisons, sire, par des paroles que nous pouvons dire effectives, puisqu'elles ont été précédées par des effets. L'Église de Paris n'a jamais fait de vœux que pour les avantages de votre couronne, et ses oracles n'ont parlé que pour votre service. Elle ne croit pas, sire, qu'elle puisse donner une suite plus convenable à toutes les autres actions que la supplication très humble qu'elle fait présentement à votre majesté de donner la paix à la ville capitale de votre royaume, parce qu'elle est persuadée que cette paix n'est pas plus nécessaire pour le soulagement des misérables que pour l'affermissement solide et véritable de votre autorité. Nous voyons nos campagnes ravagées, nos villes désertes, nos maisons abandonnées, nos temples violés, nos hôtels profanés. Nous nous contenterions de lever les yeux au ciel et de lui demander justice de ses impiétés et de ses sacrilèges, qui ne peuvent être assez punis par la main des hommes, et pour ce qui touche nos propres misères, le respect que nous avons pour tout ce qui porte le caractère de votre majesté nous obligerait sans doute, même dans le plus grand effort de nos souffrances, à étouffer les gémissements et les plaintes que nous causent vos armes. Si votre intérêt, sire, encore plus pressamment que le nôtre, n'animait nos paroles, et si nous n'étions fortement persuadés que comme notre véritable repos consiste dans notre obéissance, votre véritable grandeur consiste dans votre justice et dans votre bonté, et qu'il est même de la dignité d'un grand monarque d'être au-dessus de beaucoup de formalités qui sont aussi inutiles et aussi préjudiciables en quelques rencontres qu'elles peuvent être nécessaires en d'autres occasions. Et votre majesté, sire, me permettra de lui dire, avec la même liberté que me donne mon caractère, qu'il n'y en a jamais eu de plus superflu que celle dont il s'agit aujourd'hui, puisque vous avez tous les avantages essentiels et puisque vous avez effectivement les cœurs de tous vos peuples. Et c'est en cet endroit, sire, où je me sens forcé, par le secret instinct de ma conscience, de déchirer ce voile qui ne couvre que trop souvent, dans les cours des grands princes, les vérités les plus importantes et les plus nécessaires. Je ne doute point, sire, que l'on ne vous parle très différemment des dispositions de Paris. Nous les connaissons, sire, plus particulièrement que le reste des hommes, parce que nous sommes les véritables dépositaires de l'intérieur des consciences et par conséquent du plus secret des cœurs. Et nous vous protestons, par la même vérité qui nous les a confiés, que nous n'en voyons point dans vos peuples qui ne soient très conformes à votre service, que vous serez, quand il vous plaira, aussi absolu dans Paris que dans Compiègne, que rien ne vous y doit faire ombrage, et qu'il n'y a personne qui y puisse partager ni les affections des peuples, ni l'autorité de votre majesté. Et nous ne saurions, sire, vous justifier cette vérité par des preuves plus claires et plus convaincantes, qu'en vous suppliant très humblement de considérer qu'il faut bien que vous ayez les cœurs de ceux qui n'attendent qu'un seul de vos regards pour se laisser vaincre. Je me trompe, sire. Je parle improprement. Je sens que je blesse par cette parole les oreilles de votre majesté. Elle ne veut vaincre que ses ennemis. Et ses armes, sans doute, n'ont point d'autre objet que ceux qu'Henri le Grand, aïeul de votre majesté, choisit dans les plaines d'Ivry. Je dis qu'il choisit, sire, parce qu'il distingua les Français et les étrangers par cette belle parole qu'il prononça à la tête de son armée, « Sauver les Français !» Il fit cette distinction, l'épée à la main, et l'observa encore plus religieusement après toutes ses victoires. Ce Parlement, qui dans les grandes agitations de l'État était demeuré dans Paris, contre ses intentions et contre ses ordres, fut continué dans sa séance et dans ses fonctions par ce grand et sage prince, dès le lendemain qu'il y fut entré en victorieux et en triomphant. Il fit publier l'amnistie générale le même jour dans le palais, et il semble que ce prince, tout admirable, eût cru qu'il lui manquait quelque chose à sa clémence s'il ne l'eût fait éclater dans le même lieu où on en avait, en quelques rencontres, rendu si peu de justice et de déférence à ses volontés. Et il faut avouer que la providence de Dieu prit un soin tout particulier de couronner sa modération et sa justice parce que son autorité, qui avait été si violemment attaquée et presque abattue, se trouva relevée par sa prudence et par sa douceur en un point et plus haut et plus fixe que n'avait jamais été celle de ses prédécesseurs. Si je n'appréhendais de donner la moindre apparence d'une comparaison aussi injuste que serait celle d'un siècle furieux, et qui attaqua, pour ainsi parler, la royauté dans son trône, et de ces derniers temps, où il faut avouer que les intentions des sujets de votre majesté n'ont rien eu de semblable ni d'approchant, je dirais, sire, en cette occasion, ce que l'on doit dire, à mon sens, à votre majesté dans toutes les rencontres de votre vie, que vous suivrez sans doute les vestiges de ce grand monarque, et que vous n'aurez pas moins de bonté pour une grande ville qui vous offre avec ardeur le sang de tous ses citoyens pour le répandre pour votre service, que le grand Henri n'en eut pour des sujets rebelles qui lui disputaient sa couronne et qui attentaient à sa vie. J'ai, sire, un droit tout particulier et domestique de vous proposer cet exemple. Dans cette fameuse conférence, qui fut tenue dans l'abbaye de Saint-Antoine au faubourg de Paris, le roi Henri le Grand dit au cardinal de Gondi qu'il était résolu de ne s'arrêter à aucune formalité dans une affaire où la paix seule était essentielle. Je ne connaîtrais nullement le mérite et la valeur de ce discours si je prétendais le pouvoir orner par des paroles. Je me contente, sire, de le rapporter fidèlement à votre majesté et de le rapporter avec le même esprit que le cardinal de Gondi l'a reçu. Ainsi, sire, en imitant et la modération et la prudence de ce grand monarque, vous régnerez d'un règne semblable à celui de Dieu, parce que votre autorité n'aura de borne que celle qu'elle se donnera à elle-même par les règles de la raison et de la justice. Ainsi, vous rétablirez solidement l'autorité royale, dans laquelle consiste véritablement le repos, la sûreté et le bonheur de tous vos sujets. Ainsi, vous réunirez les cœurs de tous vos peuples, partagés par tant de factions différentes, et dont la division ne sera jamais que fatale à votre service. Ainsi, vous réunirez toutes vos compagnies souveraines dans ce même lieu où elles ont soutenu, avec tant de vigueur et avec tant de gloire, les droits de vos ancêtres. Ainsi vous réunirez la maison royale. Ainsi vous aurez dans vos conseils et à la tête de vos armées, monsieur le duc d'Orléans, dont l'expérience, la modération et les intentions absolument désintéressées peuvent être si utiles et sont si nécessaires pour la conduite de votre État. Ainsi vous aurez, monsieur le prince, si capable de vous seconder dans vos conquêtes. Et quand nous pensons, sire, qu'un seul moment peut produire tous ces avantages, et quand nous pensons en même temps que ce moment n'est pas encore arrivé, nous sentons dans nos âmes des mouvements mêlés de douleur et de joie, d'espérance et de crainte. Quelle apparence que la fin de nos maux ne soit pas proche, puisqu'ils ne tiennent plus qu'à quelques formalités légères et qu'un instant peut assoupir. Quelle apparence qu'elles ne fussent pas déjà terminées, si la justice de Dieu ne voulait peut-être châtier nos péchés et nos crimes par des maux que nous endurons contre toutes les règles de la politique, même la plus humaine. Il est, sire, de votre devoir de prévenir par des actions de piété et de justice les châtiments du ciel qui menacent un royaume dont vous êtes le père. Il est, sire, de votre devoir d'arrêter, par une bonne et prompte paix, le cours de ces profanations abominables qui déshonorent la terre et qui attirent les foudres du ciel. Vous le devez comme chrétien, vous le devez et vous le pouvez comme roi. Un grand archevêque de Milan porta autrefois cette parole au plus grand des empereurs chrétiens, dans une occasion moins importante que celle dont il s'agit présentement, et qui regardait moins les intérêts de Dieu. L'Église de Paris vous la porte aujourd'hui, sire, avec plus de sujet, et Dieu veuille que ce soit avec autant de succès. Dieu veuille inspirer à votre majesté la résolution et l'application de ce remède si prompt et si salutaire, qui consiste dans son retour à Paris, que nous vous demandons, sire, avec tous les respects que vous doivent des sujets très soumis, mais avec tous les mouvements que peuvent former des cœurs passionnés pour le véritable service de votre majesté et pour le repos de son royaume. Ainsi, sire, dès le commencement de votre vie, vous accomplirez un des plus considérables points du testament du plus grand et du plus saint de vos prédécesseurs. Saint Louis, étant à l'article de la mort, recommanda très particulièrement au roi son fils la conservation des grandes villes de son royaume comme le moyen le plus propre pour conserver son autorité. Ce grand prince devait ses sentiments si raisonnables et si bien fondés à l'éducation de la reine Blanche de Castille, sa mère, et votre majesté, sire, devra sans doute ces mêmes maximes au conseil de cette grande reine qui vous a donné à vos peuples et qui anime par des vertus qui sont sans comparaison et sans exemple le même sang qui a coulé dans les veines de Blanche et les mêmes avantages qu'elle a autrefois possédés dans la France.